Quand partirons-nous ? Demanda Glenarvan. Demain matin à 10 heures, répondit John Mangles. La marée commencera à monter et nous portera à terre. Le lendemain, 5 février, à 8 heures, la construction du radeau était achevée. Il fallait un véhicule capable de résister à la mer pendant une navigation de 9 milles. Au centre de l'appareil, une voile de fortune. Un grand aviron à large pelle, fixé à l'arrière, permettait de gouverner l'appareil. À 9 heures, commença le chargement. D'abord, les vivres furent embarqués, enfermés dans des caisses hermétiquement closes, étanches et impénétrables à l'eau de mer. On mit en lieu sûr et au sec les armes et les munitions. À 10 heures, le flot commença à se faire sentir. La voile fut déployée. Le début de la traversée fut heureux. À midi, l'appareil était encore à 5 milles de la côte. À midi et demi, Paganel fit remarquer que tous les écueils avaient disparu sous la marée montante. Le flot devait encore monter pendant 1 heure environ. On put franchir une distance de 2 milles, mais alors la brise tomba presque entièrement. La terre était en vue à moins de 3 milles. Il nous reste donc à prendre patience, dit le major. La nuit approchait. Le rapide crépuscule retarda de quelques minutes à peine la formation des ténèbres. Situation pleine d'angoisse que celle de ces naufragés sous cet étroit radeau envahi par l'ombre. Au lever du jour, tout s'était brisé par les fatigues de la nuit. Le vent reprit du large. Il était 6 heures du matin. Mais il fut impossible d'arracher l'ancre. Un coup de hache livrait le radeau au gré de la brise. La voile fut larguée. À 9 heures cependant, la terre restait à moins d'un mille. À 10 heures, John se vit à peu près stationnaire, à 3 encablures du rivage. Pas d'ancre à mouiller. Heureusement, un choc eut lieu. Le radeau s'arrêta, il venait d'échouer à haute mer, sur un fond de sable à 25 bras de la côte. Et bientôt tous, avec armes et vivres, eurent pris définitivement pied sur ces redoutables rivages de la Nouvelle-Zélande.